n'ont pas fait attention, et même pas un pardon. Trop jeune ou trop fou, tu es passé sous les roues, petit chien noir. Petit chien noir. N'ont pas fait attention, et même pas un pardon. Trop jeune ou trop fou, tu es passé sous les roues, petit chien noir. Petit chien noir.